Joue et puis c'est tout. Fa septième, une basse de ré. Un fa septième, une basse de ré. Un sol septième, une basse de sol. un fa septième, une basse de ré. Oh. Un sol mineur septième, une basse de ré, de sol. C'est du chinois tout ça, et oui Philippe. Allez, fais fonctionner ton oreille. Tout, tout, tout, tout. Tout, tout, tout, tout, tout. Moi, je joue deux, trois instruments. Là, à disposition ce matin, j'ai le piano et le casque. J'aurais voulu te dire ceci, que le nananaï. C'est bien cool tout ça. Combien y a-t-il de français là-dedans? Il n'y en a qu'un. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nous. Eh, il y en a. Bah, nous deux, oui. Ok. Johnny Hallyday. On a tous quelque chose en nous de rétréci. Ouais, Phil, c'est les partitions américaines, ça. Le F, c'est Fa, le A, c'est La, le C, c'est Ré, le D, c'est Ré, le C, c'est Do. Ça me dit quelque chose qui joue, lui, là. Can you play YouTube? Can you play in you too? Can you play in you too? I can see your eyes. change my hand. I can see your eyes. I can see your hand. And don't change my, mind. I can see your eyes. Don't change my heart. I can just touch your hand. Come on with me. What is the name? My name is Holiday. I can see your smile. Dream. I can see your smile for going holidays. I can take the plane with you for going holiday. Je lui ai parlé, il n'a plus répondu. Je l'espérais, j'ai trop attendu. Je me suis sauvé, échappé à l'abîme. I know where my depression was born. I told him did not respond. I run away and escape in the abyss. I want to be the one love, the one who supports my sins all this time, the one who I never left. May all this of time. On the glamour of this gentle, even if my world will now become superfluous. There are many things that are long ones. cap à Zouavis. I want to be the one they love, the one who's borrowing my sins. All this to time, I want to be for the one love, the one who support my sins. All this time, the one who I never left from her home. Je savais que cela change. tu m'aides à trouver mon chemin. Grâce à toi, je ne trouve enfin le sourire. Aujourd'hui, je sais que c'est le bonheur. Enfin, plus de pleurs que des rires. Amour, je te le dis. Merci pour tous ces jours de bonheur que tu m'offres à l'infini. J'attendais, je savais que cela ne changerait pas ma voix. Depuis que je ne rêve que de toi, je me sens beaucoup mieux. Et tout cela grâce à ton amour. Pour moi, c'est un jeu. Finir ma vie avec toi, cela est mon rêve. Tu es là et tu m'aides à trouver mon chemin. Grâce à toi, je me trouve enfin. De pleurs en moi, que des rires, de la joie. Mon amour, je te dis merci, merci pour tous ces jours de bonheur que tu m'offres à l'infini. Merci, mon cœur. Oh, oh oui, merci, mon cœur. Oh, oh, oh oui. Et là j'ai su que c'était toi, toi que j'attendais. Je savais que ça changerait ma voix. Depuis que je ne rêve que de toi, je me sens beaucoup mieux. Et tout cela grâce à ton amour pour moi. Finir ma vie avec toi, ça c'est un jeu. Tu es là et tu m'aides à trouver le bonheur. Mon chemin grâce à toi, je trouve enfin un sourire et des pleurs. Et là j'ai su que c'était toi avec moi, moi que j'attendais le jour si proche. Je savais que cela changerait ma voix. Depuis que je ne rêve que de toi, et je me sens mieux comme ça. Oui, merci. Et tout cela grâce à ton amour. Finir ma vie avec toi chaque jour. Tu es là et tu m'aides à trouver mon chemin. C'est notre destin. Grâce à toi, je retrouve enfin le sourire. Aujourd'hui, je sais que c'est de l'amour, du bonheur, enfin, y a pas pire. Plus de pleurs en moi que des rires, des sourires, chaque joie, chaque jour. Mon amour, je te dis encore merci. Merci pour tous ces jours de bonheur que tu m'offres à l'infini. Merci. Tu as su me tendre la main. À cet instant, je n'allais pas bien. De nos rires, de nos confessions, est née de l'affection. De nos tristesses, de notre complicité, est née notre amitié. Mais il ne faut pas que cela reste un simple mot de six lettres. Hey, si un jour tu es en détresse, n'hésite pas à me lancer un SOS. Même si je ne trouve pas les mots, ceux qui rendent le monde plus beau. Même si je suis maladroit, tu pourras toujours compter sur moi. Non, c'est de moi. Allez, un autre air. Avec la voix de Johnny et un texte de moi. Et tu as su me tendre la main. À cet instant où je n'allais pas bien. Et que de nos rires. Et que de nos confessions. Ah, s'il y a du jazz, je vais peut-être faire. Michel Jonas. Moi, à me tendre la main. À cet instant, je n'allais pas bien. De nos rires, de nos confessions. Et né de l'affection. Mais il ne faut que cela reste un simple mot à six lettres. Si un jour tu es en détresse, n'hésite pas à me lancer un SOS. Même si je ne trouve pas les mots, ceux qui rendent le monde plus beau. Même si je suis maladroit, tu pourras toujours compter sur moi. Ne laisse pas la maladie prendre le pas sur ta vie. Et si aujourd'hui tes larmes sont salées, demain elles te paraîtront sucrées. Dans une folle farandole, tous tes amis réunis, nous fêtons ta nouvelle vie. C'est le jazz roule. Mon ami, tu m'as secouru, alors je me croyais perdu. Ouais, mon ami, tu m'as aidé. Et ça, je n'oublierai jamais. Aussi loin que tu sois, je veillerai toujours sur toi. Tu as su me tendre la main à cet instant où je n'allais pas bien. De nos rires, de nos confessions, est née de l'affection. De notre tristesse, de notre complicité, est née juste une amitié. Mais il ne vaut pas que cela reste un simple mot de six lettres. Si un jour tu es en détresse, n'hésite pas à me lancer un SOS. Un SOS. Même si je ne trouve pas les mots, ceux qui rendent le monde plus beau. Même si je suis maladroit, juste un peu. Tu pourras toujours compter sur moi. Demain elles te paraîtront un peu salées. Demain elles te paraîtront un peu sucrées. Dans une folle farandole, tous tes mots réunis nous fêteront ta nouvelle vie. Tiens, si on parlait un peu de Michel Jonas. Thank you. un peu parti, un peu naze. Je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gamins me regardent énervés, c'est pas un habitué, sûrement pas un amoureux de Dizzy. L'orchestre installe des professionnels, oh come on boy, c'est moi qui interpelle. Hey Gus, tu connais Charlie Mingus par cœur, je le connais par cœur. Tous les standards d'Oscar Patterson, de Lionel Hampton, de Scott Hamilton, de Duke Ellington. Oh. J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin d'orgue m'attire, ça y est, je transpire. Timidité surhumaine, si c'était la chance de ma vie, je me lance, allez, tant pis. Hey Gus, tu connais Charlie Mingus par cœur, je le connais par cœur. Hey fils, tu joues comme Jimmy Smith, merci, c'est sympa, merci. J'aime tous les succès d'une Kellington, tous les standards d'Oscar Patterson, de Lionel Hampton, de Scott Hamilton. J'allais chanter pour tout fou, cette fameuse Lucille, ce fameux blues, venait d'elle. Ah, que coucou. Yeah. Hey, hey. Hello, Clark Kent. Welcome. Welcome here. Welcome to... Bon, ça va tout le monde? How are you everybody? Yes! Oh. Yep, Clark, yep. Ça c'est bon ça, continue ça. Non, pas continuer. Pas continuer. Il y avait une fille qui s'appelait Lucie. Décalage à la con. Yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo, yo. Keep the planet spinning. The force from the beginning. We've come too far to give up who we are. Donc je connais cette signature. Bon, allez, vous lâchez les chiens ou quoi là? On y va? On joue? La Xenogent of Phoenix. All every beginning. We are part. Thank you.

Thank you.